Mais sur tu fais siège, quoi là, là. Mais vas-y là. Mais retire ça de ton siège. Vas-y, là. Ah, tu te passes pour un jacky. N'importe quoi là. Oh, c'est moche. Vas-y là. Il dort dans ton auto. C'est un super héros, prêt à te protéger de toutes les sortes de dangers. Mais gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune. Oh oh oh oh. Plein de pouvoir, il s'illumine même dans le noir avec son pote le triangle. Tu es vu sous tous les angles. Mais gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune. Oh oh oh oh. Hey, attends, attends, attends, attends, attends. Il faut vraiment que tu leur parles d'un truc là. Tu sais, dans la vie, tout n'est pas permis. Il y a des choses qui ne se font pas. Tu n'as pas le choix. Ouais, enfin, attends, t'as pas le choix, mais y a un truc, un seul truc à surtout pas faire. Mettre sur ton siège gilet jaune et parcourir avec tout l'hexagone. C'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Enlève ça, c'est pas joli, et tu passes pour un jackie. C'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Sur ton siège, un gilet jaune et parcourir avec tout l'hexagone. C'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Luttons contre cette mocheté, il faut les retirer, ces pauvres petits gilets. Ne t'ont rien demandé, ces pauvres petits gilets. Ne t'ont rien demandé. Gilet jaune sur les sièges, c'est moche. Gilet jaune, c'est moche là. Ouais, c'est trop laid. Oh, vas-y, c'est mais moche. Gilet jaune. Ah. Allez, vire-moi ça. Non mais c'est ça, c'est...